24-11, activation, dictée, remerciement. Écoutez et complétez. 1. Merci encore, tout était vraiment exquis. 2. Quelle charmante soirée. 3. Je ne sais comment vous remercier.